Vie de saint François d'Assise. Par Arved Barine. Hachette 1901. Dernières années. Pour lui, tel il était au lendemain de sa conversion, tel on le retrouve à la fin de sa carrière, ardent, chevaleresque, éternellement jeune de cœur et éternellement enthousiaste. Le grand air l'a bruni, les abstinences ont réduit son corps à rien, mais les yeux et le sourire ont gardé leur éloquence, les manières, leur grâce exquise. Le saint de Dieu est toujours le si aimable, à qui personne n'aurait le courage de faire du mal. Tellement qu'il essaie inutilement d'être martyr. L'histoire de son expédition chez les infidèles, qui refusèrent de le tuer, est un bijou de naïveté. Il s'était rendu tout exprès en Égypte, en 1219, où l'armée de la cinquième croisade assiégeait Damiette. Le camp chrétien ne lui résista pas. « Il est si aimable », écrivait un croisé. Ce fut aussi l'avis du soudan d'Égypte, quand cet être charmant se présenta devant lui, résolu à le convertir ou à être martyrisé. Saint François était accompagné d'un de ses moines. Ils saluèrent ce prince farouche, qui mettait à prix la tête des chrétiens. Et il les salua aussi, puis leur demanda s'il voulait être sarrasin, ou s'il venait en message. Ils répondirent que sarrasin ne serait-il, est-toi venu en message de par Dieu. L'Issoudan dit qu'il avoit arcevesque, et évesque de sa loi, mule de bon clair, ne sans une pourvoit-il voir ce qu'il dirait. Alors le soudan manda ses docteurs musulmans, qui lui dirent pour entrer en matière, nous te commandons de par Mahomet que tu leur fasses leur test coupé. In. Bernard le trésorier, continuateur de Guillaume de Tyr. Au lieu de faire couper la tête à saint François, le soudan causait avec lui et prenait tant de plaisir qu'il lui offrit des possessions à condition de rester à sa cour. L'apôtre ingénu, absorbé dans son idée, lui dit enfin « Faites allumer un grand feu. J'entrerai dedans avec vos prêtres et vous connaîtrez quelle est la vraie religion. » À cette proposition, l'un des docteurs musulmans se hâta de disparaître. Le soudan, qui l'avait vu, répondit avec bonhomie à saint François, « Je ne crois pas qu'aucun de mes prêtres ait envie d'entrer dans le feu pour sa religion. » In, vita, etc., de saint Bonaventure. Les deux moines perdaient décidément leur temps. Ils retournèrent au camp chrétien et de là en Italie. Le soudan voulait leur faire emporter des présents magnifiques, ce fut leur seule persécution chez les infidèles. De même que sa vaillance, saint François avait conservé sa simplicité, et c'est à quoi il eut le plus de mérite. Ses disciples, Assise, l'Italie entière, conspiraient à lui donner de l'orgueil, s'il avait pu en avoir. Des gerbes de légendes surnaturelles s'épanouissaient sous ses pas. Les yeux de la foi, ses beaux yeux consolateurs, voyaient les paralytiques marcher, les lépreux être nettoyés, l'eau et le feu obéir à un signe, la mort reculer, et, avec elle, l'affreuse notion de l'irréparable, et la foule reconnaissante rendait à l'auteur de cette moisson de miracles des hommages qui ressemblaient à un culte. Il s'y dérobait de son mieux, aussi modeste qu'au temps où les gamins lui jetaient des pierres, infiniment plus préoccupé d'épargner de la souffrance à ses humbles amis les animaux que de briller parmi les hommes. Tandis que les peuples l'attendaient à genoux, sa tendresse s'épanchait en flots purs sur la nature innocente, la nourrice et l'amie. Il s'arrêtait pour porter hors du chemin un ver en danger d'être écrasé. Il donnait son manteau pour sauver un agneau de la boucherie et mendiait du miel pour les abeilles dépourvues. Il croyait avoir bien employé sa journée quand il avait rassuré quelques pauvres bêtes pourchassées, et qu'il la relâchait, rendue à son heureuse imprévoyance. Ses nombreuses amitiés dans le monde animal lui en avaient donné l'intelligence. Il entrait dans les petites idées des bêtes, celles-ci le payaient en confiance, et il en avait toujours dans les bras ou sur les talons. Il arriva un jour chez l'évêque d'Osimo suivi d'une petite brebis qu'il avait rachetée avec l'argent d'un passant. L'évêque fut étonné de voir un mouton dans son palais, cependant il n'osait rien dire à un saint aussi célèbre. Saint François devina ses pensées. Avec sa déférence accoutumée, il emmena sa brebis chez des religieuses qui la rendirent la plus heureuse du monde. Mais ce fut pure déférence. L'imagination populaire a brodé sans légende sur les relations de Saint François avec les bêtes. On raconte encore à Gubbio l'histoire d'un loup monstrueux qui ravageait le pays et mangeait les hommes aussi bien que les moutons. Saint François alla trouver le loup et lui proposa un marché. « Je te promets que je te ferai défrayer de tout. Ainsi tu ne pâtiras plus de la faim, car je sais bien que la faim t'a fait faire tout ce mal. Mais puisque je t'obtiens cette grâce, je veux, loup, que tu me promettes de n'attaquer jamais aucune personne humaine, ni aucun animal. Me promets-tu ceci ? » Le loup leva sa patte droite et la mit dans la main de Saint François, qui revint avec lui à Gubbio. Le peuple, tout d'une voix, promit de le nourrir jusqu'à la fin de ses jours, et ainsi fut fait. Le loup vécut en liberté dans la ville. Il y est mort de vieillesse, regretté des habitants, auxquels il rappelait l'homme de Dieu. In Fioretti, traduction d'Ozanam. Je doute qu'il y ait eu un autre saint ayant autant joui de la création que Saint François. Il se hâtait d'échapper aux affaires pour aller rêver dans la campagne en écoutant vivre la prairie et la forêt. « Ils ont le même principe que nous, disait-il de tout ce qui naît et meurt, bête ou plante, herbe ou insecte. » La contemplation de la nature lui versait l'apaisement. Son cœur se fondait de reconnaissance devant un beau paysage. Après la Portioncule, il aima entre tous les couvents celui de l'Alverne, à cause de sa situation incomparable au sommet d'un mont escarpé. La cellule du Saint-Yves existe encore dans une fente du rocher à pic qui forme au monastère un piédestal gigantesque. Cette cellule est une caverne naturelle où l'on accède à travers un chaos grandiose de blocs de grès. Il semble que la cime de la montagne ait éclaté sous l'effort d'un cataclysme qui l'a laissé dans un désordre sauvage. C'est tantôt une déchirure profonde, remplie d'une végétation luxuriante, tantôt un entassement de rocs gris, sans un brin d'herbe. Plus loin, des masses pendantes et moussues laissent entre elles un étroit couloir qui sent l'humidité. On touche à chaque pas le bord de l'abîme extérieur, et c'est alors un éblouissement. Le regard domine un horizon de crêtes bleues, qui se pressent les unes derrière les autres aussi loin que la vue peut s'étendre. Au premier plan, au pied du rocher qui porte le couvent, une vaste région nue et solitaire. Derrière soi, sur l'autre versant de la montagne, un enchevêtrement de vallons et de replis pittoresques, superbement vêtus d'un bois de vieux hêtre. Une lumière exquise, à la fois étincelante et douce, anime le paysage de ces jeux. Il suffit de regarder autour de soi pour s'expliquer la prédilection de Saint François pour l'Alverne. On y vit en communion perpétuelle avec l'éternelle beauté. C'est après un séjour dans ce lieu unique qu'il improvisa le cantique des créatures, nommé vulgairement cantique du soleil, l'un des plus beaux chants qu'ait jamais inspiré à l'homme la splendeur de l'univers. Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, et singulièrement pour notre frère Messire le Soleil, qui nous donne le jour et la lumière. Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur, et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les étoiles. Vous les avez formées dans les cieux, claires et belles. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l'air et le nuage, et la sérénité tous les temps, quels qu'ils soient, car c'est par eux que vous soutenez toutes les créatures. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui est très utile, humble, précieuse et chaste. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu. Par lui vous illuminez la nuit, il est beau et agréable à voir, indomptable et fort. Loué soit mon Seigneur pour notre mère la terre, qui nous soutient, nous nourrit et qui produit toutes sortes de fruits, les fleurs diaprées et les herbes. Traduction de Zanam. C'est sur l'Alverne qu'il se retira aux approches de la mort, pour vaquer à Dieu dans le secret de la solitude, et secouer la poussière qui avait pu s'attacher à lui, dans le commerce des hommes. Citation, Solano. Et c'est là, durant ce dernier séjour de 1224, que les écrivains catholiques placent le miracle fameux des stigmates, qu'on a appelé le grand miracle du Moyen Âge, et qui mérite en effet ce nom, tant par l'émotion qu'il souleva dans l'univers chrétien que par les controverses auxquelles il donna lieu dans le XIIIe siècle. Une portion du clergé refusait de l'accepter et ne céda qu'aux ordres réitérés des papes Grégoire IX et Alexandre IV. Aujourd'hui, l'Église entière le reconnaît. Voici comment elle le présente. À son arrivée sur l'Alverne, saint François s'imposa un jeûne rigoureux de 40 jours. Il se privait aussi de sommeil et priait presque continuellement. Bientôt les extases se multiplièrent. Un jour qu'il avait longuement médité les scènes de la Passion, il eut la vision de Jésus crucifié, placé entre les ailes d'un séraphin. Presque aussitôt, ses pieds et ses mains furent percés, de clous semblables à ceux qu'il venait d'apercevoir dans l'image du Rédempteur. Citation, Monsieur l'abbé Lemonnier. En même temps, son côté droit était marqué d'une cicatrice rouge, comme s'il eût été percé d'une lance. Saint François cacha ses plaies avec soin, par humilité, et très peu les aperçurent de son vivant, mais son corps fut exposé après sa mort, et des centaines de personnes constatèrent l'existence des stigmates. Telle est, je le répète, la version consacrée par l'autorité de l'Église. Le croyant n'a qu'à s'incliner. Les adversaires du miracle font remarquer que les témoignages ne deviennent précis et concordants qu'à partir de l'exposition du cadavre. Jusque-là, il subsiste bien des incertitudes et des contradictions dans les récits des contemporains. Pour en donner un seul exemple, Élie de Corton, dans une lettre officielle, place l'apparition des stigmates peu de temps avant la mort, et un chroniqueur bénédictin, Matthieu Paris, le 15e jour, tandis que les disciples et biographes de saint François la font remonter 2 ans plus haut, au séjour sur l'Alverne, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure et ainsi que l'Église en a décidé. On fait encore remarquer que saint François est mort entre les bras d'Élie de Corton, Vilain personnage à tous égards, qui ignora toujours les scrupules et qui tâchait d'augmenter par tous les moyens une renommée qu'il comptait exploiter. On en conclut que c'est lui, le futur apostat, le futur excommunié, jugé très sévèrement par les écrivains ecclésiastiques, qui a imprimé les stigmates sur le cadavre, pour la plus grande gloire de l'ordre et de son fondateur. Citation, Karl Haas. La science moderne a apporté une troisième explication, qui exclut tout ensemble la supercherie et le surnaturel. Le phénomène des stigmates est à présent bien connu et bien étudié, car il s'est reproduit un grand nombre de fois depuis Saint François et toujours dans des conditions analogues. Il se présente invariablement chez des mystiques, hommes ou femmes, exténués par la privation de nourriture et de sommeil et sujets aux extases. Quand leur imagination demeure tendue sur les scènes tragiques de la passion, quand ils les évoquent jusqu'à en être obsédés, leur corps se couvre spontanément d'empreintes et de plaies. Ils portent, comme Saint François, leur précurseur et leur modèle, la marque saignante des clés de la lance, et joignent parfois d'autres stigmates que Saint François n'avait pas. L'un offre les traces de la flagellation, l'autre celle de la couronne d'épines. Sainte Claire de Montefalco portait sur la poitrine, à l'endroit du cœur, l'image de tous les instruments de la passion. Le seul Tyrol a possédé trois stigmatisés dans la première moitié de notre siècle. In, des hallucinations du mysticisme chrétien, par A. Maury, revue du 1er novembre 1854. Note, les travaux sur la suggestion hypnotique ont achevé d'élucider la question. On a provoqué les stigmates et la sueur de sang, par suggestion, sur différentes personnes. Voir le somnambulisme provoqué, par Bonny, les mémoires de la Société de biologie, 1885, la revue de l'hypnotisme, tome 4, etc. Fin de la note. Les incroyants n'ont plus besoin de recourir à une déplaisante profanation de cadavres pour s'expliquer les stigmates de l'Alverne. Ils sont en face d'un phénomène parfaitement naturel et assez fréquent. Nous nous bornerons à ajouter que, pour les croyants eux-mêmes, la répétition indéfinie du miracle lui a ôté de son importance religieuse. Saint François n'a plus été que le chef d'une lignée, au lieu de rester dans la mémoire des générations comme le favori du ciel, choisi pour donner à la terre un spectacle à jamais unique. C'est une différence dont les écrivains catholiques ne se rendent pas assez compte, lorsqu'ils célèbrent indiscrètement d'autres cas de stigmates. Chaque nouvel exemple rapetisse la scène de l'Alverne. Elle formait jadis le chapitre capital d'une biographie de Saint François, elle n'en est plus maintenant qu'un épisode. Un peu plus, on la passerait, de peur que quelques lecteurs malveillants ne soient tentés de confondre cet homme admirable, aussi sain d'esprit que grand de cœur, avec la foule équivoque des hallucinés et des hystériques. Il redescendit de l'Alverne entièrement épuisé et ne fit plus que languir et souffrir. Le corps était usé, l'âme oppressée. Ce triomphateur au jugement du monde se préparait à descendre au tombeau en vaincu. Que lui importaient les acclamations et les foules prosternées? Il n'était pas venu pour récolter des applaudissements. Il était venu pour rouvrir l'évangile et crier à tous ces affamés de justice et de bonté. On vous trompait. Écoutez la vraie parole et soyez enfin chrétiens. Ne croyez pas que cela soit trop difficile, regardez mes moines. Les peuples étaient accourus, et voici que ces moines avaient trouvé cela trop difficile. Aussi longtemps qu'il avait pu croire à des exceptions, à des gourmands ou des vaniteux isolés, il n'avait point perdu courage, mais quand il avait vu des couvents entiers tomber dans le relâchement, il avait compris que la pure doctrine évangélique, sans atténuation ni faux fuyant, n'était à la portée que d'une élite entre les élites. L'expérience avait été faite deux fois, et deux fois elle avait échoué, pas plus que Jésus, son maître, François Bernadon n'avait pu transformer l'humanité et faire que les hommes ne fussent plus tout à fait des hommes. Quelques disciples lui parlaient de lutter, de sévir. « Non, répliqua-t-il tristement, qu'ils vivent comme ils voudront. » Il cessa de s'informer de ce qui se passait dans l'ordre et pleura silencieusement son beau rêve. Les moines qui le veillaient connurent seuls ses angoisses. Personne, depuis lui, n'a renouvelé sa tentative, et ceux qui se disent chrétiens, s'enfonçant chaque jour davantage dans les compromis et les sophismes, s'éloignent de plus en plus des préceptes de Jésus, si clairs pourtant et si catégoriques. On l'avait transporté à Sienne, pour y être soigné par un médecin en réputation. Au printemps de 1226, on le ramena à Corton, puis à Assise, non sans peine, car le bruit de sa fin prochaine s'était répandu dans l'Ombrie, et les villes étaient prêtes à se faire la guerre pour s'assurer son corps. Corton refusait de le laisser sortir. Assise envoyait des troupes pour protéger son bien. Pérouse préparait un coup de main pour l'enlever au passage. Assise l'emporta, et ce fut un spectacle barbare et saisissant, bien digne du Moyen-Âge, que l'arrivée de ce moribond, entouré de soldats et reçu par une ville en liesse, qui remerciait Dieu de lui préparer des reliques. Tout le peuple, ajoute le vieux biographe, espérait que le saint de Dieu allait bientôt mourir, et c'était la cause d'une si grande jubilation. La portioncule ses derniers moments. Il souffrait cruellement et supportait son mal avec infiniment de douceur et de patience. Ses adieux à ses frères furent affectueux et simples. Il leur recommanda une dernière fois la pauvreté, les bénit et attendit en paix l'au-delà. Le 3 octobre 1226, se sentant mourir, il se fit chanter le cantique des créatures. C'était ses adieux à la vie, parure et bénédiction du monde. Il expira le même jour, à l'heure du crépuscule. Un vol d'oiseaux, en quête d'un gîte pour la nuit, tourbillonnait et gazouillait au-dessus du couvent. Les frères ne doutèrent point que les alouettes ne fussent venues chanter un hymne en l'honneur du doux ami des bêtes. La nouvelle de la mort fut portée à Assise, qui se chargea de la prendre à toute la vallée et au village posé au flanc des montagnes. Les paysans des environs, debout sur leur seuil, virent la ville aérienne resplendir de lumière et ils entendirent passer au-dessus de leur tête des chants d'allégresse. C'étaient les Assisiens qui consumaient la nuit en réjouissance. « Nous aurons ces reliques !» criait la foule en descendant vers la portioncule pour contempler son trésor. Cependant, une inquiétude leur restait. Si Pérouse ou Foligno faisaient enlever le cadavre par leurs partisans, il fallait se hâter de mettre en sûreté le cercueil destiné à accomplir des miracles et à exaucer ceux que Dieu lui-même n'écoute pas. Dès que l'aube blanchit l'horizon, les habitants transportèrent le mort à Assise, au milieu d'un océan mouvant de rameaux verts et avec un grand fracas de trompettes et de chants de triomphe. Les moines entouraient la bière, des torches à la main. Le clergé de la ville suivait. On déposa Saint François dans la petite église de Saint-Georges, en attendant qu'on lui eût élevé un tombeau. La translation à San Francisco eut lieu environ 4 ans plus tard, en 1230. Elle fournit l'épilogue le plus inattendu à l'histoire du Saint de Dieu. La procession qui accompagnait le corps fut attaquée dans la rue par des archers. Le cercueil disparut pendant le tumulte. On sut qu'il avait été porté précipitamment à San Francisco et enseveli sans témoin, porte fermée, dans un lieu secret, préparé à l'avance. On sut aussi qu'Élie de Corton avait tout fait. Le reste n'a jamais été éclairci. L'objet que se proposait Élie est resté un mystère, et l'on ignora même l'endroit où reposait le corps. Des fouilles exécutées en 1818 ont mis au jour un squelette que l'on a supposé être celui du saint. D'après une poétique légende, il y a une troisième et vaste église sous l'église basse d'Assise, et saint François est là, non pas couché, non pas réduit en poussière, mais debout, vivant, les 5 plaies saignantes, les mains jointes et les yeux au ciel. Il a été vu une nuit par 3 moines, devant qu'il avoue 2 pierres s'étant entrouvertes, et, une autre nuit, par le pape Nicolas V, accompagné du cardinal Ostorgius, qu'il a raconté à son lit de mort. Qu'il dorme ou qu'il veille, son œuvre s'est accomplie, non pas celle qu'il avait rêvée, mais une œuvre plus humaine, et encore bien belle. Il n'est presque pas une forme de la pensée du Moyen-Âge italien qu'il n'ait renouvelée. Le cantique des créatures a enfanté la poésie nationale. Jusqu'à Saint François, de même qu'on prêchait le peuple en latin, de même on lui composait ses chansons en latin. Le maître fit le cantique des créatures en vers italiens. Les mineurs suivirent son exemple et écrivirent leur poésie religieuse dans les dialectes de leur province. Dante se laissa entraîner à son tour, après avoir hésité et commencé la Divine Comédie en latin, et la littérature italienne fut fondée. Pour être moins direct, son influence sur la peinture n'a été ni moins profonde, ni moins heureuse. Il avait réhabilité la nature et montré que l'amour du beau pouvait se concilier avec la piété. Les conséquences d'idées aussi nouvelles éclatèrent dans l'œuvre de Giotto, qu'on peut appeler son élève, tant il est imprégné de son esprit. Il n'y a plus rien de commun entre la maigre vierge byzantine, impassible dans sa pose rigide, et les nobles créatures, gracieuse ou pathétique, que Giotto a peinte sur les murs des églises d'Assise et de Padoue, ou à San Croce, à Florence. Un autre aréné, dans lequel rayonne la liberté d'esprit et la sincérité du père des franciscains. Il n'est pas jusqu'à la science qui n'ait profité des vues fécondes de cet ignorant, qui voulait jeter les livres de ses moines par les fenêtres. Cet instinct profond de l'harmonie universelle, qui se décelait chez Saint François parmi l'effusion de tendresse tout ensemble singulière et charmante, modifia d'abord la théologie avec Alexandre de R et Saint Bonaventure, poussa Roger Bacon aux plus curieuses recherches et contraignit enfin Scott, le rival heureux de Saint Thomas dans l'université de Paris, a commencé une révolution dans la métaphysique, et par là même à en préparer une autre dans les sciences. Citation, Frédéric Morin. Il a fait plus encore que tout cela réuni. Il avait trouvé le monde triste, et il l'a laissé moins triste. Les moralistes amers qui disent tant de mal de l'humanité n'ont certainement jamais mesuré ce qu'un homme peut faire de bien dans son passage sur la terre. Ils n'ont jamais songé, dans leur ingratitude, à ces êtres qui sont, comme nous, les fils de la femme, et qui ont su relever des millions de cœurs accablés. La poétique Ombrie a résumé la vie du plus grand de ses fils dans un de ces symboles profonds que le peuple seul sait trouver. La légende rapporte qu'en une nuit de janvier, Saint François sortit dans le jardin de la Portioncule, ôta ses vêtements et se roula sur un buisson d'épines, pour connaître quelque chose des souffrances de son maître. Mais les épines se transformèrent en roses qui n'avaient point de piquant. Ces trois lignes racontent la gloire de Saint François d'Assise mieux que ne le sauraient faire des volumes. Il a changé en rose, du moins pour un temps, quelques-unes des épines de l'humanité. Mark Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.